Bonjour, vous écoutez Radio Klaxon et aujourd'hui on va parler de la grève de la faim à Nantes. On a fait un interview avec un des agriculteurs en grève de la faim et aussi on va écouter les opinions des habitants de la ZAD, ce qu'ils pensent de la grève de la faim. Et après on va écouter où partout dans le monde il y a des grèves de la faim. Dans ce moment, et aussi comme Gandhi était un activiste spirituel, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est la résistance spirituelle. Alors, écoutez. Radio Klaxon 107.6 FM. Radio Klaxon 107.6 FM. Hey, you're listening to Radio Klaxon, and today we're going to talk about the hunger strike in Nantes. There's an interview with one of the hunger strikers, and there's also going to be some of the reactions of the people on the ZAD, what they think about the hunger strike. Then there's going to be kind of an overview of all the hunger strikes that are going on in the world at this moment. And since Gandhi was a spiritual activist, there's going to be a small introduction to what spiritual activism means. Stay tuned! Non, on n'a pas. C'est pas du tout la faim, c'est pas du tout le problème. On n'a pas faim. On s'était préparé avant et donc les trois premiers jours étaient un petit peu difficiles en ce sens qu'il ne faut pas appuyer sur le ventre, qu'il y a quelques remontées gastriques. Mais au-delà du cinquième jour, vraiment, la faim n'est pas du tout un problème. Pas du tout. Et on a parfois des odeurs de charcuterie qui passent ici, ou alors des fois on passe devant une boulangerie, tu as des odeurs de croissant. Ça ne nous perturbe pas vraiment. Ça, c'est pas le. C'est pas le souci. Le souci, c'est qu'on devient très sensible au froid. Et les extrémités, si elles ne sont pas protégées, sont toujours très vite refroidies. Puis, comme aujourd'hui, avec un peu de courant d'air et tout ça, il faut vraiment qu'on fasse très attention, on attrape vite froid. Oui, là c'est le 15e jour pour nous deux, oui. Et vous allez continuer quand même ? Écoute, chaque jour, on ne sait pas combien de temps on va continuer ensuite. Mais voilà, nous nous étions donné un peu un contrat moral qui était de tenir jusqu'à hier en termes d'échéance politique, quoi, pour peser sur la campagne, y compris un peu celle du deuxième tour. Donc ça, on l'a tenu. Donc voilà, nous constatons qu'au niveau local, il y a un mur complet maintenant. Nous allons encore tenir suivant les actions qui se mettent en place, enfin suivant notre santé d'abord, et suivant les actions qui se mettent en place. Je pense que oui, on va encore tenir quelques jours, après on verra. Qu'est-ce qu'il y avait, quelle action est-ce qu'il y avait dans les dernières deux semaines ? Ah, les actions, nous avons fait connaître, notre but était de remettre sur le plan national et dans le calendrier, dans le discours de chaque candidat, de remettre ce débat et d'obtenir des positionnements sur ce débat de Notre-Dame-des-Landes. Et voilà, nous avons une bonne résonance régionale, disons. Par contre, au niveau national, on a quand même beaucoup de mal, quoi. Au début, on a un peu de mal à se faire connaître, et puis ensuite, les journalistes ont été pris par la fin du premier tour, et nous n'avons pas réussi à percer au niveau des états-majors des deux ténors qui nous font face aujourd'hui, quoi. Ils vont dans les mêmes écoles, défendent le même système, apprêtent les mêmes charters, sont au service des mêmes entreprises, répriment avec la même police, travaillent avec les mêmes banques, envoient les mêmes soldats et les mêmes tanks. Gauche-droite, social-démocratie, capitalisme, c'est la même voie, même exploitation et même contrat, même exploitation et même combat. Rouge est ma fraction, direct est mon action. Ce que l'on a gagné, par exemple, c'est qu'un certain nombre de réseaux s'activent très fortement. Et ça, c'est quand même une mobilisation qui est très activée liée à ce jeune. Par exemple, la Fédération nationale de l'agriculture biologique est venue, ils sont venus, ils nous ont fait apporter leur soutien et renvoient activement des messages, prennent contact avec leurs relations au sein du PS, parce que c'est là que sont l'essentiel de relations, pour peser et faire comprendre l'impossibilité de, un, de ce projet-là, et deux, l'urgence qu'il y a à arrêter les expropriations. Et je pense que, bon, côté Confédération Paysanne, c'est la même chose, et mon analyse, c'est quand même que les contacts agricoles de l'ensemble du PS vont beaucoup leur remonter cette information-là. Et voilà, on peut avoir des retombées, peut-être pas très rapides, mais on peut avoir des retombées de ce côté-là, par exemple. Je pense qu'on n'a rien fait, on n'a rien obtenu de très voyant aujourd'hui, on n'obtiendra peut-être rien, mais en termes de mobilisation et d'action multiple auprès des décideurs du PS en tout cas, je pense qu'on a marqué des points et peut-être qu'on récoltera un peu plus tard, quoi. Par rapport à l'UMP, je pense qu'on n'a pas marqué grand-chose, ils prennent un peu de distance, c'est le PS qui gère localement ce projet, ça les arrange bien, donc ils prennent de la distance et je pense que rien à bouger là. Mais nous avons quand même vu une très forte mobilisation. Par exemple, dans les meetings qu'a tenu Hérault, chaque fois il est rentré par la petite porte parce qu'il y avait une quinzaine de tracteurs, une centaine de manifestants dans les départements voisins. Et cette activité sur les départements voisins, je pense qu'elle a vraiment été permise par le bruit qui est fait autour de nous. Et sans cette action-là, je pense que ça aurait été très timide. Les gens qui passent, comment ils réagissent ? Alors, les gens, la moitié des gens, enfin, j'ai pas de statistiques évidemment, mais les gens qui passent, je pense, pour la moitié, sont des gens sympathisants, hein, qui sont dans des associations, des partis qui nous soutiennent et qui, voilà, viennent nous soutenir, sont heureux de nous voir et de nous montrer qu'ils nous soutiennent. Et puis une partie sont des gens qui viennent un peu découvrir. Ou bien qu'on ne connaît pas, mais qui sont assez avec nous. Je pense qu'on a fait basculer, on a gagné un peu la bataille du cœur aussi au travers de ça. Et par exemple, les copains qui vont distribuer des tracts en ville nous disent on n'a jamais été aussi bien accueillis pour distribuer des tracts. Donc je pense au moins auprès des Nantais qu'on a gagné, on a terminé de gagner la bataille de l'opinion. Je pense qu'on avait bien avancé déjà précédemment, mais là, je pense qu'on a gagné cette bataille de l'opinion. Donc c'est aussi des semis de choses qu'on récoltera peut-être un peu plus tard, quoi. Nous, qu'en mettant en place cette action, on a ciblé le temps électoral, et c'est bien parce qu'on voulait peser sur les politiques et que dans notre façon d'agir à nous, on pense toujours que les politiques doivent prendre des décisions qui vont changer les choses, quoi. Donc si nous l'avons fait, c'est bien parce que nous croyons que les politiques peuvent prendre des décisions et par exemple arrêter les expulsions, quoi. Ce qui, si j'ai bien compris, est quand même une divergence forte avec les gens de la ZAD, où en général vous ne faites pas du tout confiance aux politiques, quoi. Hein, donc c'est pour ça que c'est naturellement, il me semble, c'est pas trop votre mode d'action. Mais c'est pas grave, hein. La CIPA, elle lutte comme toi, sauf qu'elle ne milite pas. Ah, pour moi, c'est vrai. Ouais, je peux placer. Oui. En général, je crois pas à ce qu'on voit. Je crois pas à Laetitia. Mais nous, nous avons bien aimé qu'un certain nombre d'entre vous viennent en visite, nous dire bonjour, etc. Que quelques-uns viennent aider à garder la nuit. Cet appui en soutien dans ce que l'on fait, nous, ça nous est très... Enfin, oui, c'est chaleureux pour nous, c'est bien, quoi. Il y avait aussi parmi les squatteurs quelques-uns qui voulaient faire une greffe à la fin. De faire même avant que vous avez commencé ça. Ah oui. Écoutez la idée. On n'est pas tous de la même opinion. Bien sûr, oui. Mais après, c'est pas le tout de faire une greffe de la faim. Il faut qu'elle ait un très bon relais et qu'elle soit bien amplifiée, quoi. C'est pour ça qu'on est ici à Nantes, pour ça qu'on met des animaux pour être vus. Mais le risque existe de faire une grève de la faim dans ton coin et de galérer, quoi, sans que avec tout le monde qui t'ignore, quoi. Hein, et c'était un peu arrivé, par exemple, pour des grèves qui avaient été faites au B17 sur des OGM, des choses comme ça. Ils n'avaient pas un grand retentissement, quoi. Bon, nous, on a une équipe de 10 personnes autour de nous, dont le but, c'est d'assurer l'animation, le relais de ces choses-là, quoi. Et c'est absolument essentiel. Myself as a soldier, though a soldier of peace. Moi, je me considère comme un soldat, quand même, un soldat de la paix. I know the value of discipline and truth. Je sais très bien la valeur de la discipline et de la vérité. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. En attendant, laissez-moi vous dire que je n'ai jamais dit que les masses de l'Inde, si c'était nécessaire, recourraient à la violence. I regard myself as incapable in my lucid moments of making a statement of this character. It is complete independence that we want. So we talked to one of the people that are on hunger strike in Nantes, and on Wednesday they were on their 15th day, and this is what they said. So they were not too hungry. The problem was more that they were having really cold fingers and feet, but they were okay. And they're doing this hunger strike to obtain a clear statement from candidates about the airport. And they want the expropriations and evictions to stop, and to people to understand that it's a really urgent matter. They felt that on a national level they didn't get as much attention as they wanted, but on a regional level there was quite some attention given to them. So, well, they are not sure that they might get an immediate answer to their claims, but they feel they planted the seed that might turn into an anti-airport tree later. There were many actions and huge mobilization, they feel, and they have the impression that the deciders of the Party Socialist, the PS, moved a bit, maybe, but that the UMP is not really impacted at all. But anyway, like every time Aero wanted to go to a meeting, he was like greeted by a bunch of tractors at the entrance. So he always had to go into the back door. So they feel that might made quite an impression. And people in Nantes quite liked it. Like they felt like that the handouts have been received quite well. And they think that this kind of action is good because they still believe in the political system and that politicians can still stop the expulsions and that it's, well, a good idea to still try to move them. Well, yeah, he kind of thought that we people on the ZAD don't quite think that, but he's still happy that squatters support him. And he said that, well, if you do a hunger strike, you need to be very visible and you need to get a lot of attention. So he was really happy they had a big support team. Dedicated to all spiritual activists, truth seekers, and peaceful warriors worldwide. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Once upon a time, not long ago, there was a boy who would grow and become a great soul. He lived in India, and his name was Gandhi. He believed in human rights, and he fought for equality. He felt so strongly that he trained himself, cause he realized first he'd have to change himself. He changed his clothes and decided to walk. Some days he practiced silence and refused to talk. When he was young, he studied to be a lawyer, and then he became a great spiritual warrior. He read from the scriptures of every religion, came to the realization that we're all God's children. Because he understood that we're all equal, he became a spokesman for the people. A karma yogi devoted to service, to spread truth and peace was his purpose. You gotta be the change that you wanna see in the world. Be the change, just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world. Just like Gandhi. Gandhi dedicated his life to the cause, even when it meant breaking unjust laws. He often faced prison and incarceration, but that only strengthened his determination. He said he would make every sacrifice, but that he would never kill or take a life. He used his heart instead of his fist, and he taught nonviolence as the way to resist. A peaceful soldier who used his mind to fight for the rights of humankind, but not just people, animals too. In his basic teaching, God is truth. He joined Muslims, Sikhs, and Hindus, Christians, Buddhists, Jains, and Jews. All the many paths that lead into the light that shines bright inside of me and you. You gotta be the change that you wanna see in the world. Be the change, just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world. Just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world. Be the change, just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world. Just like Gandhi taught, an eye for an eye makes the whole world blind, and it takes more strength and faith to be kind. With that in mind, Gandhi took a stand against the foreign occupation of his land. When things got violent, Gandhi would fast, not eating for days until the riots would pass. But the biggest event that made the British halt is when Gandhi G decided to harvest salt. The British Empire installed a salt tax, and stealing salt was an unlawful act. So Gandhi and his peeps took to the streets, 10,000 deep, they marched to the beach. But when they arrived, they were beaten with clubs, but they didn't fight back, instead they chose love. The foreign military realized they were wrong, and eventually decided to go back home. You see, Gandhi G was a very great leader, but before all that, he was shy and meager. As a young child, he was just like you and me, before he became Mahatma Gandhi. The word Mahatma, it means great soul, and it's inside of us just waiting to unfold. If you follow your heart and act real bold, next time it'll be your story that's told. You gotta be the change that you wanna see in the world. Be the change, just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world. Just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world. Be the change, just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world. Just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world. Be the change, just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world. Just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world. Be the change, just like Gandhi. Be the change that you wanna see in the world. Just like Gandhi. Donc on sort là d'une rencontre avec 5 conseillers généraux agriculteurs ou anciens agriculteurs. Bon, je peux vous les nommer, hein, Bernard Deniaud, Yves Daniel, côté de Châteaubriand, René Baron du canton de Valette, rappelez-moi qui autrement, Jean-Yves Ploteau du canton de Saint-Marlajaille, Jean Poulain d'Herbray. Il manquait que, comment, Philippot de Tréfieux, là, du canton de Nozay, en fait, quoi. J'étais excusé, bon, on sait pas pourquoi. On sait que c'est quand même un de ceux qui sont les plus partisans du projet, quoi. Les plus... Et c'est le plus jeune, oui. Deniaud était là, oui. Ouais. Donc, c'était pas une réunion officielle, c'est ce que disait Julien. Ce matin, on nous a dit, enfin, hier, de plusieurs reprises, oui, on devait être reçu, on devait pas être reçu. Oui. Et en fait, hier, il y a Julien et Sylvie Thébault à qui on avait demandé de nous accompagner et qui ont été refusés par Bernard Deniaud. Donc hier, c'est un peu ce qui a bloqué la rencontre. Ce matin, bon, Julien a dit c'est bon, rencontrer, on s'en partera. Hier, oui, du moins. Donc ce matin, on les a rencontrés, mais du coup, c'était plus au Conseil Général, c'est dans une salle privée qu'ils ont louée auprès du cours des 50 otages. Hein. Bon, ils nous ont expliqué que c'était le président qui s'était opposé parce qu'il voyait mal que c'était pas normal que des agriculteurs demandent à rencontrer des élus agriculteurs. Ils représentent leur territoire, ils représentent pas que les agriculteurs. Bon, hier pourtant il y avait parmi eux de prévu un conseiller général qui n'est pas agriculteur, qui est Bauché, mais le président s'est opposé ce matin à ce qu'il soit présent lui aussi. Ils nous l'ont dit comme ça, hein, il n'y a pas. On avait demandé à ce que le président y soit. On avait demandé aussi ce que le président y soit, bon, il n'y était pas forcément. Donc ben, on a exposé la situation ici, la situation sur le terrain à Notre-Dame-des-Landes. Ils sont apparemment mal à l'aise, mais bon, ça se limite un peu à ça, je pense. Hein. Quoi dire d'autre? Aujourd'hui, cette fois-ci, ils nous ont laissé parler, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas trop laissé non plus le temps de parole autant qu'ils auraient voulu, on les a coupés à certains moments. Bon, ils sont toujours sur la solidarité à l'intérieur du groupe socialiste au Conseil Général. Ils ne sont pas forcément sûrs de la pertinence du projet, mais bon, quand la décision elle est prise, et puis c'est la démocratie, et puis ainsi de suite. Enfin, voilà. En gros, c'est ça. Je simplifie un peu, mais ça revient un peu à ça. Les arguments sur les études, il y a une contre-étude qui est faite, le cabinet hollandais, il ne va pas engager sa responsabilité en faisant une étude de complaisance, il faudrait quand même regarder ces choses-là. On nous répond que étude contre étude, on est obligé de faire confiance à un cabinet, voilà. En gros, c'est ça. Et puis, bah, quoi dire autrement sur une porte de sortie, bon, sur la forme d'action, la grève de la faim, ils les approuvent. Pour eux, c'est une action qui n'était pas à la hauteur, qui était trop grave pour l'enjeu que représente l'aéroport. Oui, oui. Alors ils ont découvert, oui, que les gens allaient être expulsés le 31 décembre. Bernard Deniaud, ils ont fait ça en disant c'est pas possible, c'est pas si rapide que ça, on le découvre. Donc c'est un petit peu à la fin, mais bon, est-ce que c'est tactique, je ne sais pas quoi dire, en disant c'est peut-être là qu'on peut faire quelque chose. Voilà. Donc, c'est Jean-Yves Ploteau qui a précisé que oui. From what I remember of the discussion that they had at the hunger strike on Tuesday was that there was a meeting between some farmers in the Conseil General who are part of the Conseil General and people from the Confédération Paysan. They explained who was at the meeting. And basically, from what I understood, was they said that there was nothing sure that they got out of the meeting. The farmers, they found out that even though that there are some conseillers in the Conseil General who also doubt whether this project is any good or not, they decide to keep the unity within the Conseil General and carry on with the project. And then one of the conseillers, he said to a farmer that there would be no expropriations or expulsions before December, but already people started doubting whether that was true or not, you know, whether it's just a tactic or a strategy that they use to, you know, several bodies every week. But I wonder if a child could take a creature from the wild, cut off its legs and its skin and its head. So we pay for it and slaughter, and we teach our sons and daughters our habit of eating the dead. I'm okay with apple kinds, you can even give me black bean curd, but don't give me no bread. It was wrapping the dead to remains of a body of a bird. How soon we lost sight of how they said it was right for the humans as slaves to be bred. For the animals it's worse, cause we rent them price curse. Kill the children, steal the milk and eat the dead. It can be captures on a boat, bows without a vote. Do we ever see the evil of the day? For every piece of flesh you buy, it means a creature has to die. For as long as you're looking the other way. While it's humans who need feeding, it's the animals we're feeding. They outnumber every human 6 to 1. Many children hardly eat cause their food's fed your meat. While it's blame for this shame you pass on. And this choice that you say is your right, you can eat just as you like. And it's merely an opinion that I voice, but your choice, it kills many. This opinion and not any. Your victim, did you give him a choice? Your victim, did you give him a choice? I got force weighing heavy, force weighing heavy. I got force weighing heavy on my mind. I got force weighing heavy, force weighing heavy. I got force weighing heavy on my mind. Choice you say is your right. You can eat just as you like. And it's merely an opinion that I voice. Your choice kills many. And this opinion, no, not any. Your victim, did you give him a choice? Your victim, did you give him a choice? No. Yesterday I've been to the hunger strike in Nantes, and was quite amazing how many people come there to support. I was not the only one, and they had like small sheep. That was great. And one of the guys who went into hunger strike now is like, I think, the 17th day. He stopped doing that. He's the fasting. And but another one, a girl from Brittany, also she took his place. So they're two making hunger strike. Yeah, it's a little bit sad, but yeah, it continues. And yeah, a lot of people come to support and deliver flyers and put posters in the street. And it's really good to, the atmosphere is great. It's really in the middle of the center, yeah, in Nantes. And they changed the place. It was Commerce before, but now it's like, but in the area still. Don't know exactly. And you think it's a useful way of protesting? Oh, it's very, very useful, because many people don't know about the situation here in the Saad. And these are people who are like peasants from this area. And yeah, now all the city know that, what's going on here. And this is very important. Something we from the squatters a little bit missed it, to have contact to the population in Nantes also, maybe. And yeah. But for them and us, it's true. It's the same struggle, and so we're like, yeah. But you think that the protests like that can change the mind of politicians as well, or you think it's just good for changing the public opinion? Well, there's a small relation between public opinion and politician, what they do. I'm sure that this is important to have people informed. Also, is the infrastructure of the left people or radical left in Nantes is like still flyers and posters are important. Yeah. La manière de manifester de qui ont choisi les grévistes à Nantes. Ah, je trouve ça courageux parce qu'ils font quelque chose qui est difficile, que je pense qu'il y a un engagement fort, quoi, qu'un engagement physique. Et voilà. Et moi, dans l'idée, si j'aimerais faire une grève de la faim, ça serait pour obliger les médias à parler de la répression et de tous les abus des forces de l'ordre et l'impunité qu'ils ont, quoi. On va voir si ça marche, je sais pas si ça marcherait, mais peut-être que pour la première fois sur cette lutte-là, les médias ils parleraient enfin des violences policières. I want to say that I support the people that are doing the hunger strikers, and that I wish them a lot of strength in their fight. I think is one of the things really courageous to do. And besides all other actions that are happening at the moment against the airport, I think there is many ways to protest. So I would like to say to all these people that they are doing a really good job. And Alors le truc en fait c'est que dans ces différents modes d'action, moi j'aurais envie, en tout cas moi, d'être solidaire des différents modes d'action, enfin qu'on soit solidaire de nos différents modes d'action et leur montrer qu'on n'est pas, j'allais dire, aussi con qu'eux, aussi bête qu'eux on va pas faire pareil, à refouler leur méthode, parce que eux ils nous ont pas soutenus dans, ou ils soutiennent pas nos modes de fonctionnement, nos modes d'action, mais que du coup Ouais, voilà, il y a plein de méthodes, et en fait, si on était tous solidaires en tous et avec toutes ces méthodes, et ben peut-être qu'on avancerait plutôt que de se pouiller le nez à longueur de temps. Peut-être qu'on avancerait. Pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así. That I could say is that I would think that it's really cool if people can work better together and communicate better together, like all the different struggles. I think we can support each other really well, and yeah, that makes us all stronger. Like doing small actions separately from each other, it might not make a big difference, but if we all communicate a lot with each other and try to support wherever we can, we are much stronger. Gaza. Genocide. Free Palestine. You know, Hamas, if you look at the history, you'll find out that Hamas was encouraged and really started by Israel because they wanted Hamas to counteract Yasser Arafat. Then we have election, then Hamas becomes dominant, so we have to kill him. You know, it just doesn't make sense. Revolution, free the oppressed, and put the real criminals under arrest. From the north to the south, east to the west, put your fist up, time for protest. Free Palestine from the Zionist blitz. No war, it's a massacre, they murdering kids. Superpowers talk shit with their hands in their pockets, while Israel keep dropping prosperous rockets. But genocide, Hamas, they beat the blame, cause they fight for the freedom of their people and domain. All we see is terrorism, an excuse for the slain. So I say, motherfuck what your TV proclaim. Over 1,000 murdered civilians, but all that you hear is that they murder some militants. Obama, don't speak, give your guns to civilians. We know that your cats don't support the Palestinians. Come on now, everybody make a difference. This ain't a military war, they kill infants. No benevolence, no defense. Free Palestine from what the world commenced. Come on now, everybody make a difference. This ain't a military war, they kill infants. No benevolence, no defense. Free Palestine from what the world commenced.